Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie le visage, on oublie la voix. Le corps qui s'en va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour de regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Mais les plus chouettes souvenirs, ça t'a doux de ce gueule. La galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse en va tout seul. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. L'autre que l'on croyait pour un ou pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, bah, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots de pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. Et l'on se semble agir comme un cheval fougueux. L'on se semble assez dans un lit de hasard. L'on se sent tout seul, peut-être même peinard. L'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.